Bienvenue en 2030 Glorieuse, le podcast pour raconter les mondes de demain. Répète partout que demain est foutu, qu'il est trop tard et que nous n'avons d'autre choix que de limiter les dégâts. Et à force de l'entendre, nous avons fini par mettre nos rêves en pause pour devenir les simples gestionnaires de notre propre extinction. Pourtant, je reste convaincu d'une chose, l'avenir ne se gère pas, il se rêve. Cette année, on va travailler ensemble à redorer le blason de nos rêves pour en faire des stratégies. Alors bienvenue dans la communauté 2030 Glorieuse et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Le podcast il est soutenu par la NEF, c'est une banque éthique coopérative. Je vous fais toujours cette intro, elle est hyper importante parce que la NEF, grâce à l'épargne qu'elle collecte, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. Et c'est donc de fait la banque des 2030 Glorieuses. Je vous dis qu'elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires, qu'elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent et elle est transparente parce qu'elle est la seule banque, je dis bien la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Moi, c'est la NEF qui me permet d'interviewer des projets qui participent aux 2030 Glorieuses. J'en suis fier et je vous invite à être aussi fier de votre banque en ouvrant un livret à la NEF. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a décidé que le métier d'ingénieur ne devait plus servir à alimenter la machine à café d'ailleurs, mais elle pourra en reparler, mais à réparer le monde. Isabelle Huyn a d'abord exploré les routes de l'ingénierie positive avec son projet La Clavette, avant de cofonder l'Institut Transition à Lyon, dans lequel moi aussi je suis impliqué depuis quelques années. On a d'ailleurs accompagné une apprenante ensemble avec Isabelle pour son mémoire l'année dernière, et donc on se connaît bien. Isabelle, c'est une bâtisseuse de passerelles. Elle aide celles et ceux qui se sentent à l'étroit dans le vieux monde à franchir le pas de la bascule professionnelle. Ensemble, nous allons voir que la reconversion n'est pas qu'un changement de ligne sur un CV, mais un acte de résistance joyeuse pour transformer nos rêves d'enfants en nouveaux métiers du vivant. Bonjour Isabelle. Bonjour Julien, merci pour cette intro. Avec plaisir, je suis trop content de t'avoir dans le podcast. J'ai l'impression qu'on est ensemble, chez moi, en train d'avoir une conversation normale. Seule chose qui change, c'est qu'on a un micro devant la bouche. Ça y ressemble, en effet, ça y ressemble. On est là-dedans. Cette année, moi, le podcast 2030 Glorieuses, il a un peu changé. Et c'est aussi pour ça que j'étais content de redonner la parole à une personne de l'Institut Transition, parce que vous êtes un peu de forgeron de rêves, ou en tout cas une forge à rêves plutôt, et vous accompagnez les gens à ce qu'ils puissent eux-mêmes venir forger leurs rêves, le regarder droit dans les yeux. Et donc, avec le podcast, on considère cette question du rêve de manière très, très sérieuse en 2026. Et donc, je veux que tu m'aides à redorer le blason du rêve, ni plus ni moins, puisqu'il est devenu quand même assez connoté cette notion de rêve. On la connote négativement, on la présente comme quelque chose d'un peu faible, d'un peu limité, et moi je suis persuadé qu'on ne gère pas l'avenir, on doit le rêver d'abord. Je voulais d'abord te poser la question, toi Isabelle, quelle est la place du rêve dans ta vie? Alors moi je dirais que, en tout cas, je sais que le rêve lui donne une place, puisque j'ai la situation particulière, si on veut, d'être fille d'immigrés. Et en fait, je pense que plusieurs personnes se reconnaîtront là-dedans, c'est que quand on est fille ou fils d'immigrés, on a souvent vu nos parents sacrifier leurs rêves, surtout dans le monde professionnel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment très souvent ce schéma. Moi, mes parents, par exemple, ils auraient rêvé être médecin, ils ont fait des études de médecine et ils n'ont jamais pu exercer leur vocation. Et donc, il y a ce truc où à la fois on comprend pourquoi ils ont fait ça, mais on est aussi les premiers témoins de c'est quoi une vie en fait où on ne réalise pas son rêve, ou en tout cas son rêve professionnel. Et donc, même s'il y a d'autres dimensions de rêve, souvent c'est des personnes qui partent pour une meilleure vie pour leurs enfants, pour eux. Donc, il y a une dimension de rêve qui se concrétise, mais en tout cas, ça se concrétise très peu sur le côté professionnel. Et je sais que moi, c'est quelque chose qui a été très saillant chez moi depuis jeune, d'observer ça et de me dire « Ok, je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais moi, ça ne sera pas le cas. » Et surtout que moi, je n'ai pas les contraintes qu'ils ont eues. Donc, il y avait un peu ce truc de je me dois de mettre de l'énergie à réaliser des rêves, à faire autre chose, et de pas juste être sur des choix de raison, si on veut. Ma mère est espagnole aussi, je ressens ça parfois quand elle a la responsabilité de concrétiser les rêves qu'elle m'a un peu légués. Et c'est vrai que parfois c'est un peu difficile d'oser aussi dire bah, j'y vais pour moi, je le fais pour moi et j'ai un égoïsme bien placé. Et de devoir regarder son rêve en délaissant potentiellement des rêves qu'on nous aurait légués, c'est pas un exercice facile. Oui, puis c'est un peu des choses contradictoires des fois. Enfin, moi je sais que par exemple, mes parents ont des fois un peu de mal à soutenir ce que je fais, plus dans le côté ça nous fait peur parce que c'est moins sécurisant, c'est moins prévisible que d'autres choix de vie. Et à la fois, il y a une part d'eux qui se dit, en fait, elle fait ce qu'on lui souhaite, quoi, d'avancer dans sa vie, etc. Mais c'est vrai que je les aurais écoutés, j'aurais été médecin. En gros, ils auraient adoré, je pense, que je fasse des études de médecine, que je fasse le rêve qu'ils n'ont pas pu assouvir. Et à la fois, moi, il y a quelque chose de, en fait, moi, ce qui me motive à faire ce que je fais, c'est justement vous. c'est en vous regardant que je me dis que, voilà, je me dois d'avancer sur les chemins qui me paraissent justes et qui font sens, quoi. Vous vous êtes déjà dit ça, vous ? Plus ou moins, de près, de loin, on va dire qu'il y a... On en a discuté surtout autour du projet de la clavette, parce que c'était quand même ma première grosse rupture professionnelle entre un chemin un peu tracé d'ingénieur assez sécurisant et le fait de se dire je lance un truc qui est un peu entrepreneurial, qui est un peu en dehors des sentiers battus. Ça me demandait d'apprendre à faire de la vidéo, ça me demandait de trouver comment financer ça et comment l'expliquer sur le CV. C'était des questions que je me posais beaucoup à l'époque. Et donc, on a quand même dû en discuter. Mais de retour d'expérience, je pensais que ça allait être une discussion bien plus compliquée. Et finalement, c'est passé. Donc, si je peux encourager certains qui se disent « des fois, on se fait des montagnes ». Et alors, je ne dis pas que tout est simple pour eux d'en accepter non plus ce que je fais. Mais je pensais que ça serait bien plus dur. Et finalement, ils apprennent chemin faisant, tout comme nous, on découvre chemin faisant. Je disais en intro, j'ai déjà reçu quelqu'un de l'Institut Transition pour parler de ce projet-là. En l'occurrence, c'était Fanny Viry. Moi, j'aimerais quand même que tu me réexpliques, puisque tu es cofondatrice de l'Institut. Il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas encore entendu parler. Le podcast, il n'est pas qu'à Lyon. Et c'est aussi pour ça que les gens n'ont pas peut-être encore entendu parler de l'Institut. En quelques mots, est-ce que tu peux me raconter un peu ce qu'on y fait ? J'utilise le nom. Ouais. En gros, l'Institut Transition, je trouve que c'est, pour le comprendre, il faut comprendre pourquoi on l'a fait sortir de terre. C'est qu'en gros, dans les cofondateurs, on était plusieurs à être impliqués sur des sujets de transition un peu divers et variés. Moi, j'ai la porte d'entrée de la technique, de l'ingénierie, de me dire comment on fait bouger ça. Mais en fait, j'ai dans les cofondateurs, plein étaient sur d'autres sujets, sur l'entrepreneuriat social, sur la santé, sur logement, économie. Enfin bon, une diversité de sujets. Et en fait, on avait tous un constat un petit peu similaire, c'était de se dire, mais en fait, il y a plein de personnes qui ont envie de mettre leur énergie pour agir dans la transition, qui ont des compétences professionnelles, qui sont déjà des personnes avec de l'expérience et des talents. Mais il y a aussi une méconnaissance de ce secteur de la transition et il faut se l'avouer, c'est un secteur qui, des fois, n'est pas très facile d'accès. On n'a pas les contacts. On ne sait pas si on se sent vraiment légitime. Dans des cas extrêmes, on a des personnes qui nous disent « Mais moi, je viens d'une entreprise quand même vraiment cracra. Donc, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire ce virage. Personne ne va vouloir croire que je suis de bonne volonté. » Et nous, le constat qu'on avait, c'est que comme on était aussi des gens sur le terrain, on voyait que de l'autre côté, y avait des structures qui avaient aussi besoin de se professionnaliser, d'avoir des profils chouettes pour les aider et qui ne sont pas que des juniors aussi. Donc, il y avait aussi cette idée de se dire comment on va chercher, c'est bien gentil de travailler avec les étudiants, mais comment on va chercher aussi ceux qui ont... Si on doit attendre 15 ans qu'ils aient de l'expérience, exactement. On ne va jamais y arriver. Ouais. C'est exactement le constat. On bossait tous dans l'enseignement supérieur, on était en mode... Bon, les étudiants, c'est sympa, y a un impact à avoir, mais en fait, on ne peut pas se priver des personnes qui ont des compétences là tout de suite. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on a monté l'Institut Transition. Et en gros, donc, on a deux grandes briques. Une première brique que je vais expliquer très rapidement, qui est boîte à outils, où là, on va plutôt aider des associations, structure de la transition. Hyper utile, hein, ouais. En tant que c'est chouette d'avoir salarié du monde associatif, je peux le dire, c'est hyper utile. Et donc voilà un peu comment professionnaliser ce secteur de la transition, parce qu'il y a des questions qui sont très propres à ce secteur. Comment on gère des bénévoles, comment on répond à des appels à projets, comment on s'assure qu'on a un impact pertinent. Ça, c'est des questions qu'on peut avoir qu'avec d'autres structures des pairs. Donc ça, c'est la partie boîte à outils. Et la grande partie dont on parle souvent, ben, c'est nouvelles voies. Et donc, nouvelles voies, c'est vraiment ça. C'est ces personnes qui ont envie de se reconvertir pour travailler dans la transition, qui viennent de secteurs assez variés. Hein. Donc, on a toujours notre petit lot d'ingénieurs, de gens qui travaillent dans la com, de gens qui étaient dans la santé, qui étaient architectes, qui étaient graphistes. Enfin, vraiment, c'est assez varié. Ouais, t'en as rencontré quelques-uns. Voilà, c'est quand même des profils assez. Sans le nommer, moi, cette année, j'accompagne quelqu'un qui était logisticien dans un drive, tu vois. Ah ouais, c'est ça qui est génial, quoi. Ça montre qu'en fait, vraiment, il n'y a pas un profil pour se reconvertir. Il y a une multiplicité de profils. Et après, là, c'est nous, notre enjeu, de se dire, OK, comment on fait pour qu'en un an, cette diversité de profils, on les aide à aller vers les sujets de la transition qui les intéressent, les structures qui sont pertinentes à la fois pour eux, mais aussi pour la société. Et donc, c'est ça un peu le challenge, nous, avec Nouvelle Voie. Donc, en gros, on passe par quatre grands outils. On a de la formation. On a un mémoire que tu connais bien vu que tu es accompagnateur. C'est-à-dire, le mémoire, l'idée, c'est de trouver un sujet fil rouge qu'on va avoir durant l'année. On les fait passer à l'action aussi par le biais de mission, où là, ils vont aller travailler avec des structures de la transition pendant quelques temps, pour expérimenter, découvrir, voir si ça leur plaît, ça leur parle. Développer du réseau. Tout à fait, développer du réseau. Et aussi, souvent, moi, ce que j'aime bien, c'est leur montrer que leurs compétences, elles servent. Souvent, ils se disent, mais moi, je sais rien. Enfin, je sais pas comment être utile à la transition. Puis, ils font une mission, ils se rendent compte que, ah, mais en fait, ils savent faire des choses, ils savent réutiliser leurs compétences. Et donc, ça, pour la confiance en soi, c'est quand même pas mal. Et après, le quatrième levier qui me tient beaucoup à cœur, c'est la communauté. C'est l'idée de se dire, on crée un espace où on a des personnes qui sont des pairs, qui sont dans les mêmes réflexions, et aussi dans le temps, qui seront des soutiens qu'on va garder. Parce que la transition, c'est pas un an, on claque des doigts et c'est fait, c'est toujours des remises en question. Toi, moi, on est sur des sujets depuis quelques temps, et j'imagine que comme moi, tu te poses tout le temps des questions de est-ce que c'est pertinent ce que je fais, est-ce que là, ce nouveau projet, comment je le prends, comment je le démarre. Et donc voilà, il y a vraiment ce truc où je leur dis, la communauté que vous créez là, c'est des relations que vous allez garder longtemps derrière. Et là, on le voit, on en est à la sixième promo. Ils deviennent parrains, marraines, des enfants des uns des autres, ils montent des projets ensemble, ça devient des groupes de copains assez liés. On parlera à la fin du podcast de comment on candidate, les infos, les défis que tu peux donner aux personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées. Je sais de sources sûres qu'il y a plusieurs personnes du podcast 2030 Glorieuses, en tout cas de la communauté qui m'écoutaient et qui sont allées vers Nouvelle Voie en étant inspirées par le témoignage de Fanny. Tu l'as un peu dit dans ta présentation, Isabelle, mais souvent quand on pense à bifurquer, on pense tout de suite aux compétences. Et vous, j'ai l'impression que avant même de parler des compétences, vous parlez vraiment de qui on est vraiment, tu vois, de se dire, il faut s'autoriser aussi à trouver son authenticité, à la révéler ou à moins la remettre à jour pour changer le monde. Parce qu'on a besoin d'être, on a besoin d'être stable, on a besoin d'être serein avant de se confronter à tous ces travers. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et qui est distinctif de l'Institut. Oui, je pense que dans ce que tu dis, pour moi, il y a deux sujets. Il y a le premier sujet de se dire sur quoi est-ce que j'ai envie de passer autant de temps. C'est-à-dire que des fois, bosser, ça serait faux de dire vous allez bosser dans la transition, chaque jour sera merveilleux, vous allez être plein d'énergie ou autre. En fait, c'est faux, ça reste, malgré tout, ça reste du travail, ça peut être fatigant, ça peut être éprouvant. Et en fait, si on ne va pas sur des sujets qui nous parlent, au bout d'un moment, on s'essouffle. C'est faux de dire que juste parce qu'un métier contribue à la transition, ça suffit à nous motiver, ça suffit à faire en sorte qu'on ait quand même envie de se lever, même si les journées, des fois, peuvent être compliquées. Par contre, ce en quoi on croit vraiment, c'est que quand on est sur des sujets qui nous animent, donc nous, c'est beaucoup ça qu'on dit, les sujets qui nous animent, qui nous font vibrer, sur lesquels on a vraiment envie de donner de l'énergie, et dans ce cas-là, on le fait. Et donc, même si on a fait une journée qui était dense, qui était un peu rude, on se couche et on se dit « Ah, c'était quand même top, hein. ce que j'ai vécu là, j'ai vu qu'il s'est passé quelque chose, que ça a fait bouger, ça a créé des déclics, et je me sens à la bonne place, quoi. » Et là, c'est retrouver un peu ce truc de l'effort mis au bon endroit. Et donc ça, c'est ce en quoi on croit beaucoup, c'est de se dire, bah, en fait, si on vous aide à identifier c'est quoi les sujets qui vous animent, les sujets où vous avez envie de passer du temps, bah, là, on sait que derrière, il y a beaucoup de chances que, de un, ça soit des sujets liés à la transition, malgré tout quand même, et de deux, vous allez tenir dans le temps. Et donc, c'est pas juste une histoire de, pendant un an, deux ans, vous avez fait votre crise de la quarantaine, vous êtes allé sur un sujet, c'est, ah, ça y est, enfin, vous êtes sur quelque chose qui vous parle bien et qui va vous tenir aux tripes pendant quelques temps. Et en fait, quand on a eu cette sensation, en général, ben, c'est un peu addictif, quoi. Donc, même si les personnes, peut-être, changent de sujet, évoluent, déménagent, bah en fait, ils vont rechercher encore cette sensation de se dire « Je sais que je me suis sentie alignée à un moment, je sais que j'ai été sur des sujets qui font sens, bah, je veux continuer à faire ça. » C'est quand même un peu, contre-intuitif, je ne sais pas, mais on a quand même au moins d'abord cette naïveté de penser qu'aller dans le milieu de la transition, c'est d'abord vouloir avoir de l'impact et donc se dire mais où est-ce que je peux être le plus utile, et ça met du temps pour comprendre qu'en fait être le plus utile c'est d'abord être le plus soi. Et j'ai l'exemple là de Anne-Sophie, on donnera juste les prénoms, qui passe d'ingénieur au conservatoire d'espace naturel pour retrouver son rêve d'enfant, tu vois, il y a vraiment cette notion de rêve d'enfant. Est-ce que finalement le rôle de l'institut c'est pas aussi de redonner le droit aux adultes de redevenir les enfants qu'ils voulaient être, tu vois, de se reposer un peu la question de mais attends, moi quand je voulais être grand, qui je voulais être, et de se réautoriser à regarder ce rêve droit dans les yeux. Bah c'est vrai que tu vois, nous on le formalise pas comme ça, mais en fait quand on demande aux personnes bah, c'est quoi qui vous anime, quels sont les sujets sur lesquels vous avez envie de vous investir, bah, quand on creuse petit à petit, ça demande un peu de temps, bah, en fait on se rend compte que souvent c'est proche de sujets qui les avaient traversés quand ils étaient plus jeunes. Tu parlais d'Anne-Sophie. Anne-Sophie, par exemple, son lien à la nature, il s'est beaucoup construit dans son enfance où elle a toujours été entre la France et la Grèce. Et avec la Grèce, elle avait un lien à l'eau qui était quand même assez particulier. Et en fait, pour elle, parler de nature, s'impliquer dans la nature, ben, y avait ce truc de l'eau, quoi. L'eau qui a été un espace dans lequel elle s'est vue grandir, un espace qui a été source de joie, de souvenirs. Et donc, en fait, c'est ça qui crée les bases de son engagement, des sujets qui leur parlent. Et donc, voilà, en général, on se dit tout le temps, je suis en train de faire un virage à 180 degrés, je jette tout le reste. Et quand on gratte, bah, on se rend compte qu'il y a plein de choses, de petites graines qui ont été posées le long du chemin. Et au bout d'un moment, ça fait sens. On se dit, ah, mais oui, mais en fait, c'est vrai que quand j'étais jeune, il y avait ça qui me plaisait. Puis après, dans mes études, qu'est-ce qui m'a le plus plu dans mes études? C'était plutôt cette dimension. Puis j'avais un ami qui était passionné par ça. Et hop, nous, notre travail, c'est un peu de les aider à tricoter et à faire sens de tout ça, quoi. En fait, je me rends compte que dans la première question, enfin la précédente question que je viens de te poser, je peux un peu laisser à croire que les gens, ils arrivent avec déjà leur prochain rêve ou déjà ce premier rêve auquel ils veulent revenir, comme si tu venais pour une bifurcation en connaissant déjà un peu la fin de ton parcours. Alors que souvent, il y a des personnes qui arrivent sans savoir absolument dans quoi elles vont se reconvertir. Je pense à Mélène qui elle était ingénieure et puis finalement elle travaille dans une asso pour la montagne, et donc tu vois, c'est aussi quelle place et comment vous aider les gens à se réinventer, à s'autodéterminer, et finalement comment vous faites pour être un endroit où on peut oser aussi dire bah, en fait je sais pas qui j'ai envie d'être, est-ce que vous avez un processus d'accompagnement, comment ça se passe ce moment un peu magique où on arrive à retrouver un fil? Alors je dirais que ça dépend vraiment de chaque personne a son timing, son rythme, chaque personne à son déclic, et sur ça on peut pas vraiment avoir de contrôle. Par contre, qu'est-ce qu'on observe souvent, ce qu'on observe, c'est que déjà ça prend plus de temps que ce qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'on peut se dire un an, ça peut paraître long, de dire ah mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'un an pour savoir ce que je veux faire. Ben en fait, quand on en discute avec eux a posteriori, on se rend compte que un an c'était presque c'est pas assez. Hein. Il y en a plusieurs qui c'est plusieurs fois qu'on nous demande est-ce qu'on peut pas faire le programme en deux ans, est-ce qu'on peut pas redoubler pour passer encore un peu de temps. Donc il y a de ça. Il y a aussi des personnes qui nous arrivent quand même on va le dire, un peu éméché par le monde du travail, un peu fatigué, abîmé, tout à fait. Et donc souvent, c'est des personnes, au début, elles se disent « bon, c'est bon, il n'y a pas de souci », avec un peu un certain déni, en se disant « il n'y a pas de souci, on y va, je creuse mes sujets ». Et en fait, à un moment, ça va aussi avec le timing de se dire « ah ouais, mais en fait, là, il me faut juste un temps de souffler, un peu un sas, et après, je pourrais y retourner ». Donc en fait, c'est important aussi de se dire « c'est ok que ça prenne du temps, il ne faut pas paniquer les personnes, ça prend du temps, c'est normal ». Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que parler de sujet de transition, ça vient remuer plein de choses. C'est-à-dire que souvent, quand on était en cours, on a l'impression qu'on apprend des choses qui sont très extérieures à nous. C'est-à-dire, tiens, un cours de maths, comment fonctionne la physique, comment fonctionne certains mécanismes du vivant. On peut se dire, bon, bah, ok, c'est très extérieur à nous, c'est juste de l'analytique. En fait, quand on fait les sujets de transition, quand on va parler de la solidarité intergénérationnelle, par exemple, c'est un sujet, à chaque fois qu'on s'en met à en parler en cours, ben, les personnes, ça fait résonner plein de choses chez eux. Quand on va parler de quelles sont l'histoire des luttes écologiques, quand on va parler des modèles économiques, ça paraît extérieur, mais en fait, ça vient remuer plein de choses, de comment on voit le monde, de comment... Notre rapport à l'argent. Bah oui, toi, tu en sais bien quelque chose. Et donc, en fait, il y a plein de sujets comme ça de transition, parce que comme les sujets de transition, c'est la vie, en fait. C'est plein de dimensions de la vie. Et ben, le fait qu'on vienne remuer tout ça, ça demande du temps. Et c'est pour ça que nous, une dimension qui nous tient beaucoup à cœur, c'est cette dimension d'accompagnement. C'est-à-dire que quand les personnes font l'Institut, elles ont des personnes référentes, les accompagnateurs, qui sont là pour les suivre un peu tous les mois le long du parcours. Et comme ça, au moins, c'est un espace safe dédié à eux, où ils peuvent poser leurs questions, poser leurs doutes. Et c'est à nous, les accompagnateurs, d'adapter le rythme, en gros, pour que ça aille à où ils en sont dans leur étape de transformation. Sans compter que parfois, exprimer ses rêves publiquement, ça vient aussi créer des frictions, pour pas dire même des mouvements un peu de protection de la part des proches qui se sentent menacés. On est le miroir des autres. Et donc, quand on ose montrer qu'on a le courage de croire en ses rêves, bah, forcément, pour les autres, c'est difficile. Parce que parfois, ça fait des années qu'ils essaient de se convaincre qu'ils n'ont plus de place pour leurs rêves. Et donc, plutôt que de t'ignorer, ils te disent même « non, c'est une mauvaise idée ». Et pourquoi ils essaient de te décourager, en fait. Et donc, on le voit aussi dans l'accompagnement. Souvent, on a ces moments de conversation où, ben voilà, avec ma famille, avec mon copain, c'est pas évident. Il faut aussi prendre en compte qu'une transition, elle se gère jamais finalement tout seul et que collectivement, ça va être un travail, ça va être un mouvement. Oui, c'est pour ça, des fois, faut se dire quand on a des personnes braquées autour de soi, mais même moi, j'ai pu le vivre. Souvent, en fait, c'est des personnes qui parlent d'eux. C'est-à-dire que quand ils se disent « mais non, mais comment tu peux vivre avec ce statut, avec tel sujet de travail ou quoi ?» En fait, comme tu dis, c'est des personnes qui ne s'autorisent pas forcément à penser différemment ou à envisager, à expérimenter d'autres choses. Et du coup, qui se disent « si moi, j'accepte cette contrainte, si moi je me dis que je ne le fais pas, pourquoi est-ce que toi tu t'autoriserais à le faire ?» Et ça peut être très violent pour eux. Et donc souvent, moi je leur pose la question aux apprenants, je leur dis « mais est-ce que là ces personnes elles sont en train de parler de vous ou elles sont en train de parler d'elles ?» Et elles, quel est le point, c'est des peurs que ces personnes vous transfèrent. Donc il y a aussi un vrai sujet de se dire à qui est-ce qu'on donne le pouvoir de légitimation ? C'est-à-dire à qui est-ce que on donne l'opportunité de douter ou pas douter de ses rêves. Et en fait, c'est à vous de le décider. Moi, je sais qu'il y a des personnes que je considère un peu comme des mentors, ou en tout cas des personnes en qui la vie compte beaucoup pour moi. Et en gros, ben, du coup, je sais que ces personnes-là, quand j'ai des doutes, je les pose à eux. et toutes les autres personnes qui peuvent m'amener plus du bruit dans mes réflexions, ben, quand j'ai pas envie d'écouter ce bruit, je l'écoute pas. Et c'est OK. Donc je récapitule, Isabelle, parce que là, tu nous apportes plein de clés à travers l'expérience de l'Institut. Croire en ses rêves, c'est OK. Ça prend du temps. Ça veut dire que parfois, on creuse sur des choses un peu d'un terreau fertile sur lequel on s'est construit, des choses qui nous ont apporté du bonheur, qui font un peu partie de notre identité et qu'on avait ignoré ou à côté desquelles on est passé. C'est aussi oser plonger dans l'inconnu. C'est ouvrir une porte sans savoir vraiment où ça va nous mener et oser accepter des expériences expérimentation, sans forcément toujours y aller avec l'envie du pour, mais parfois en se disant, bon, bah tiens, peut-être qu'il y a un truc qui m'intéresse, et puis finalement comprendre que ça a plutôt été des choses qui nous désintéressaient, qui nous permettent de revenir à ce qui fait vraiment sens pour nous dans un métier, dans un quotidien professionnel, et dans l'expérience qu'on aurait envie d'avoir dans un monde idéal, dans un projet de sens. Enfin, un peu cette idée de se dire que bah, voilà, c'est un parcours qui va mettre en mouvement pas que nous, mais les autres, parfois contre nous. Et donc, accepter qu'il va y avoir un peu tout ce jeu collectif, il va falloir savoir ménager sa monture, savoir à qui parler, savoir à qui demander des avis. Je récapitule un peu, mais c'était déjà tellement riche tout ce que tu m'as dit. Là, dans la manière de le présenter, j'ai bien conscience que le rêve, ça vient mobiliser des émotions qui sont en général positives, légères presque, alors que dans la question du métier, il y a aussi parfois, notamment sur la question du sens, le sujet de qu'est-ce qui nous met en mouvement, qu'est-ce qui nous active. Et parfois, c'est la colère. Moi, je sais que je suis activé d'abord par la colère, même si ça ne s'entend pas avec les 2030 glorieuses, la colère de passer à côté de sa vie, la colère de se croire pas suffisant, la colère de voir des gens autour de moi qui ne pensent pas qu'ils pourraient mériter mieux, tu vois. Et je sais que vous aussi, vous avez de la place à cette colère, vous accueillez cette colère, et qu'il y a même des gens, je pense à Mélodie qui fait du plaidoyer à la Maison du Vélo pour la place des femmes, qui en fait a été aidée à assumer cette colère. Ouais, en général, un exercice qui est toujours intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui nous provoque des émotions fortes, soit positives, soit négatives, parce que comme tu dis, il y a des gens qui sont plutôt drivés par des émotions négatives, la colère, la révolte, des fois même la tristesse, et d'autres qui sont très drivés par le positif, se dire un endroit où je me suis sentie exaltée, des choses qui me font vibrer, etc. Honnêtement, après plusieurs personnes accompagnées, moi j'ai vu les deux, et après toute la question, c'est de dire ok, qu'est-ce qu'on en fait? Par contre, comment est-ce que ça reste pas juste un truc qui bouillonne en soi, mais comment on le transforme en quelque chose? Et souvent, ben, par exemple, tu parlais de Mélodie, ça peut passer par s'exprimer, déjà, tout à fait. C'est-à-dire, ben là, ce qui vous, là, vous fait vibrer, que vous avez envie de crier au monde, ben, comment on fait pour que vous puissiez le partager au monde sous différents formats, en vous exposant aussi un peu potentiellement. Il y a plein de personnes, ça peut faire peur à des personnes de prendre la parole, de monter sur une scène. Je me souviens, Mélodie, le premier, on a un cours, c'est cours de prise de parole. Premier cours de prise de parole, elle n'a pas voulu prendre la parole. Maintenant, je la vois passer sur BFM, TV, faire des plateaux télé, parler à l'Assemblée nationale, faire des choses comme ça. Je me dis, ouais, c'est dingue le gap qu'il y a eu un peu entre les deux. Mais tu vois, moi, tu disais un peu ce qui, toi, peut te révolter. Moi, je sais qu'un truc qui me révolte beaucoup, c'est justement ces personnes qui n'osent pas prendre la parole, qui ont des messages super à faire passer, même des connaissances, des expertises super, mais qui se disent tout le temps « Ah non, j'ose pas, qui est-ce que ça va intéresser, je sais pas m'exprimer, je sais pas quoi dire. » Et en fait, ce qui est malheureux là-dedans, c'est que ça laisse la parole à des gens qui s'en foutent, qui ont juste envie, par ego, de prendre la parole et du coup qui prennent de la place. Et c'est une critique qu'on fait beaucoup aux médias mainstream. C'est qui sont les voix qu'on entend? Bah, c'est beaucoup de voix. Je pense quand on écoute 2030 Glorieuses, c'est qu'on n'écoute pas, on n'a pas envie d'écouter ces voix-là. Donc du coup, il y a un peu ce truc-là de se dire aussi comment est-ce qu'on arrive à avoir des voix qui portent des messages qui nous motive, qui nous donne envie de contribuer à ces 2030 glorieuses, quoi. Je suis trop content de cette interview, Isabelle, parce que à la fois par ton exemple, tu partages un peu en fil conducteur de cette interview tes rêves à toi, tes réactions, tes réflexions, ton cheminement, et à la fois on parle de personnes très concrètes aussi, et ça nous aide à voir la pluralité des mouvements vers ce métier de sens, vers la concrétisation de ses rêves, et donc d'avoir cette expérience, ce ressenti, ce recul même de l'Institut sur les méthodes pour concrétiser ses rêves, je trouve ça hyper utile. On va voyager ensemble en 2030 glorieuse, imaginez la place de l'Institut notamment en 2030 glorieuse comme une machine à concrétiser les rêves. Mais avant ça, Isabelle, il y a toujours un petit moment, une coupure, une respiration où l'invité nous fait la lecture d'un passage qui donne à voir des valeurs qui se seraient normalisées et qui même se seront normalisées, j'en parle au futur, en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu viens nous lire, toi, Isabelle? Alors, du coup, j'ai un texte que je vais vous lire un peu en avant-première, puisque en fait, j'ai une amie traductrice, Leila Six, qui est en train de traduire un livre qui s'appelle Tri, qui s'appellera Arbre. Et en fait, ce qui est le point de vue d'un arbre, on suit un arbre. Et donc, c'est écrit par Mélina Saint-Pilwatz. Et donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant et bien dans la thématique. Tandis que le soleil se couchait pour embrasser les collines situées à l'ouest, Arbre vit quelque chose d'étonnant dans la boue marron. De petites taches, vert clair, par centaines, de toutes petites choses. Arbre était enchanté par toutes ces nouvelles lueurs de vie, présentes partout, aussi loin qu'il pouvait voir, dans toutes les directions. Tout l'amour de la chaleur, lumière qu'Arbre avait emmagasiné dans son cœur, la compassion de la nuit cercle, le désir ardent d'eau, le bonheur de la pluie, tout cela jaillit dans une bousculade d'émotions partagées, rayonnant vers l'extérieur et inondant équitablement chacune des pousses miniatures d'affection. Et à sa grande surprise, il reçut une réponse tornitruante de petits éclats scintillants, aussi minuscules que des fragments de verre, mais aussi chatoyants et beaux. Les petites pousses aimaient Arbre en retour. On ne peut plus heureux, Arbre envoya une réponse encore plus fracassante du bout de chaque brin de racine, de sa racine pivotante, de son cœur et à travers son écorce et ses feuilles. Une réponse plus ténue et mince arriva de la part des nouveaux brins d'herbe. Arbre comprit. Ils étaient occupés à germer et ils se souvenaient que germer était un travail difficile. Alors Arbre baissa le volume et envoya de douces vagues d'affection n'appelant aucune réponse. Et quand le soleil se coucha et le troupeau d'arbres entiers paniqua à l'unisson, Arbre fit de son mieux pour envoyer une vision de la longue première nuit et de l'aube à venir. Et les pousses d'herbe, en bas âge, comprirent et se mirent à l'aise pour la nuit. Arbre était heureux d'avoir pu faire sa part de ce cadeau et protéger ses nouvelles vies de leur peur et de la confusion. Il s'endormit, satisfait. Le lendemain matin, Arbre se réveilla à l'aube au son du bavardage des brins d'arbres qui le remercièrent un à un d'avoir tenu sa promesse. Arbre se réjouissait d'être le héros du coin. Il était évident que toute l'herbe l'aimait et il était ravi de lui rendre l'appareil. J'étais en train de regarder mon arbre en pensant à, à ce texte. Merci pour cette bulle d'inspiration, Isabelle. On est, ça y est, en 2030 glorieuse. On va prendre de la hauteur, on va voyager dans le futur, on va en parler au présent. Ça, c'est toujours un exercice pas évident, Isabelle. Donc, essayons de parler au présent. Si tu parles au futur, tu parles des 2050, 2060 glorieuses peut-être. On essaye d'éviter aussi le conditionnel. On décrète, d'accord. On va faire cet exercice ensemble en le racontant avec le plus de détails possible pour que les personnes qui, elles, sont restées en 2026 à l'époque, elles puissent être un peu comme avec nous, spectatrices du voyage qu'on va faire tous les deux. Moi, j'ai besoin que tu me racontes ce que tu vois. Si on fait ce travail de fermer les yeux et de se dire que ça y est, on est en 2030 glorieuse dans un monde où l'humanité enfin s'est mise à la hauteur des enjeux de notre siècle, tout n'est pas résolu, on a encore énormément de pain sur la planche. Je ne sais pas où tu es, toi, dans tes 2030 glorieuses. Je ne sais pas si tu peux regarder par la fenêtre ou si tu es déjà dehors. Mais quand tu lèves le regard, qu'est-ce que tu vois ? Moi, ce que j'adore, alors, comme toujours, j'aime toujours être aux terrasses des cafés. Et ce que j'adore à la terrasse de café, c'est que j'entends à la table d'à côté des gens qui sont en train de parler du nouveau projet pro qu'ils sont en train de faire, de où est-ce qu'ils ont osé aller. Mais d'une manière, tu vois, à l'époque, on en parlait, les gens, c'était un peu timide, un peu j'ose pas trop. Et là, ça va, c'est tranquille, c'est genre, c'est presque banal, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Et tu vois, je me dis, en même temps que je prends mon espresso, je suis là genre, putain, ça a bien avancé, quoi. Tu vois, cette époque où avant, on disait, waouh, t'es courageux de faire ça. Maintenant, on est là genre, oui, je sais, toi aussi, t'es en train de changer de voix, je vois. Et d'ailleurs, Changer de voix, c'est devenu évident. Moi, je pense à toutes ces graines que vous aviez semées à l'époque avec l'Institut Transition, qui a commencé dès début 2020, si je ne dis pas de bêtises, avec, je ne sais pas, 10-15 ans de recul maintenant. À quoi ressemble ce paysage-là? On parlait de ces graines qui étaient en train de germer dans l'histoire que tu nous racontais. 15 ans plus tard, la communauté de l'Institut, elle nous a permis d'avoir une ville, une vie, une économie qui ressemblerait à quoi? Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on se dit l'Institut, c'est nous qui allons former plein de personnes. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est surtout qu'il y a eu des rebonds. Ça veut dire que nous, on a fait l'Institut, on a touché plusieurs centaines de personnes, mais sauf que ces personnes-là sont en train de toucher plein de personnes. On avait notre team de profs, on a toujours eu plusieurs profs qui ont fait l'Institut. Bon, bah là, ils sont en train de monter un collège alternatif à plusieurs, et ils sont en train de toucher, ça fait 5-6 ans que ça a ouvert, ils sont en train de toucher plein de gamins. Il y en a qui sont devenus formateurs eux-mêmes, il y en a qui sont chez nous à l'Institut, mais il y en a aussi qui ont monté des formations, qui font de l'accompagnement, qui font du coaching. Et en fait, même s'ils ne font pas de manière officielle, on se rend compte que c'est devenu un peu comme des ambassadeurs. Ouais, c'est ça. Ils ne sont pas que dans l'accomplissement, mais aussi dans la transmission à leur tour. Ouais, ouais, il y a vraiment ce côté de renvoi d'ascenseur, mais qui leur tient beaucoup à cœur que ça soit avec nous. Tu vois, il y en a vraiment, c'est devenu des personnes, ça fait 10 ans, ils ne nous lâchent pas, quoi. On est un peu en mode, allez-y, il n'y a pas de souci si vous voulez voler de vos propres ailes autre part. Et il y a vraiment ce truc de, moi, ça a été fondateur pour moi. Si je peux vous aider, vous, l'Institut, ou aider les apprenants, c'est quand même assez chouette. Et du coup, ce truc qu'on avait un peu senti de la communauté à l'époque, je pense que moi-même, j'étais assez surprise de comment, en fait, c'est devenu de l'entraide de communauté, mais inter-promo. Je vois des gens de la promo 1, 2, 3 en train d'aider des gens de la promo 10. Des fois, il y a même plein de choses, on n'arrive pas à suivre, en fait, toutes ces connexions. On se refile des bons plans, on se refile des personnes qui partent en congé maternité et qui ont besoin d'être remplacées, des gens qui laissent leur appart. Enfin, c'est vraiment devenu une communauté d'entraide à tous les niveaux. Ouais, puis après, tu vois, il y en avait à l'époque, ils ont fait la formation, tu vois, et ils étaient salariés dans une structure. Ils sont montés petit à petit dans la structure et maintenant, ça devient même des dirigeants de structure. Tu vois, donc il y en a qui nous envoient leur offre d'emploi, qui disent je sais que dans les profils Nouvelle Voix, il y a des personnes un peu comme ci, comme ça, est-ce que vous pourriez m'en recommander? Donc il y a vraiment ce truc, en fait, que je trouve chouette de. Au début, on a donné l'impulsion, mais maintenant, c'est des personnes qui composent un peu le paysage lyonnais, mais plus que lyonnais, puisque tu vois, on avait ouvert au national en 2025-2026. Maintenant, du coup, on a des personnes qui se. Avec l'étiquette Nouvelle Voix, un peu partout en France. Et donc, ça permet aussi aux personnes qui déménagent, qui bougent, de se dire en fait, j'arrive, qui sont les gens Nouvelle Voix de ce lieu? Et donc, tu vois, maintenant, il y a des petits groupes WhatsApp, Telegram ou autre, selon les coins. Tu vois. Ouais, je suis pas sûr que WhatsApp existe encore. Ouais, c'est comment ça s'appelle la nouvelle appli là qui est sortie française totalement libre, autonome. Ah, ouais, on est d'accord. Ouais, et tu vois, c'est top. Ils se font des groupes de discussion locaux pour faire bouger localement. Et il y a un peu ce truc de ouais, on a vécu ça, on se comprend parce qu'on a vécu la même chose. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on essaye de faire localement? Ça, c'est chouette. Et donc localement, effectivement, c'est de la cyclologistique, des restaurants durables. Il y a plein de choses qui sont sur le comment, mais des apprenants, ils ont aussi apporté des réflexions sur le vers quoi et presque même mis des sujets philosophiques au cœur des sociétés. Je sais qu'il y a des apprenantes qui se posaient la question de notre lien à la mort, par exemple, dans l'Institut. Est-ce qu'il y a deux, trois sujets comme ça qui ont peut-être été un peu incubés dans l'Institut et qui aujourd'hui sont devenus banal, normal, et qui, en fait, ont permis à l'humanité de aussi changer un peu notre relation à quelque chose de fondamental. Ouais, tu vois, à l'époque, je trouve, en 2025, quand on parlait écologie, les gens avaient toujours l'idée vélo, tri des papiers. Bon, on était quand même un peu en train de bouger de ça, mais il y avait vraiment un peu les grands sujets de l'écologie, et on se disait parler d'écologie, c'était que ça, alors qu'en fait tu vois, on a vu maintenant avec les pléthores de sujets sur lesquels les apprenants ont travaillé, bah, en fait, ça vient toucher plein de trucs. Tu parlais du sujet de la mort. Bah, on avait Caroline, au début, elle avait fait son mémoire sur la mort, comment avoir une mort qui soit plus éthique, accompagner la mort de manière plus éthique. Bah, en fait, maintenant, elle a ouvert un tiers-lieu, un cimetière-lieu. Je note quand même ce jeu de mots quand elle me l'a partagé, qui était assez bien trouvé. Et un cimetière-lieu où, voilà, tu vois, elle peut... Maintenant, on accompagne différemment. C'est pas juste un truc où on subit tout ce truc d'aller aux pompes funèbres, qui plus est, les pratiques n'étaient pas du tout écologiques à l'époque. Maintenant, on a le choix. On peut se dire soit aller à des pompes funèbres classiques, soit aller à son cimetière-lieu. Ça, c'est super, quoi. Puis il faut aller... T'y es passé la semaine dernière, c'est génial comme lieu, quoi. C'est des Moi qui pensais être le chef des jeux de mots pourris, là, effectivement, je suis bien battu par Caroline. On a commencé un peu à évoquer le sujet, mais je suis curieux d'avoir ta vision, que tu nous racontes un peu comment ça s'est fait. L'Institut Transition, ça s'est essaimé, parce que tu dis que maintenant les apprenants se sont bien déplacés, se sont bien déployés dans toute la France, voire même plus largement en Europe et dans le monde. Ça veut aussi dire que l'Institut, on n'avait pas qu'une seule entrée à Lyon. C'était pas possible de continuer avec ce mécanisme-là. Comment aujourd'hui on a des instituts de transition un peu de partout? Bon, en fait, nous, au début, ça nous tenait à cœur d'être local parce que ça nous tenait à cœur de dire, ben, on parle de ce qu'on connaît. Et nous, on connaissait bien les territoires lyonnais, on n'était que des Lyonnais dans les fondateurs. Et en fait, on s'est adapté à la demande dans le sens où on était trop frustrés d'avoir des gens qui nous contactaient un peu partout en France et qui disaient, ben voilà, on aimerait bien votre programme, ça nous parle, je ne connais pas d'autres écoles dans le coin. Et donc, nous, on connaissait quelques petites formations, mais pas vraiment des trucs qui avaient notre approche. Et au bout d'un moment, ben, tu vois, en 2026, on s'est dit, ben allez, on essaye, on crée, on voit comment ça marche. Et donc là, c'est top, parce que du coup, on a des personnes, on a toujours un peu les pionniers, tu vois, qui commencent, qui viennent de loin. Et en fait, maintenant, ça devient vraiment des relais, des gens qui nous aident aussi à ancrer, je dirais, l'approche Institut Transition. C'est pas forcément un local qu'on va avoir dans le dur un peu partout en France, mais c'est de dire qu'un peu partout en France, on a des personnes qui ont compris c'est quoi les messages qu'on essaye de faire passer, qui ont compris nos méthodes d'accompagnement, qu'est-ce qu'on essaye de créer chez les personnes. Et voilà, ça continue à faire des petites vagues un peu partout en France. Bah, deux immenses vagues, hein, parce que vous proposez aussi des espaces d'expérimentation ponctuels. Je sais qu'à un moment, on allait vers des métiers de sens, on quittait des bullshit jobs pour servir à quelque chose professionnellement. Moi, par exemple, en 2030 Glorieuse, je me pose la question professionnellement parfois de me dire, mais tiens, est-ce que je ne devrais pas plutôt bifurquer vers ça? C'est de passer d'un métier de sens à un autre métier de sens. Et vous, à l'Institut, maintenant, vous offrez aussi des espaces d'expérimentation fertile où on peut tenter quelque chose d'autre sur le temps pas hyper long mais suffisamment long pour qu'on arrive à cerner un peu ce que ça veut dire le métier dans son cœur, dans son corps, les impacts et tout ça, quoi. Bah ouais, en fait, finalement, moi je trouve faire quelque chose comme Nouvelle Voie, c'est oser tester quelque chose, oser expérimenter quelque chose qui est différent de ce qu'on connaît. Si on va vers sa zone de confort, franchement, ça sert à rien d'aller faire l'Institut. Enfin, il y a pas d'intérêt autant directement. Rencontrer des gens chouettes, quoi. Mais... Oui, voilà, c'est une année sympa, mais autant aller taffer dans un autre truc. Souvent, si on vient nous voir, c'est parce qu'on a besoin et qu'on a un peu peur aussi de sortir de cette zone de confort, d'aller expérimenter autre chose. Et là, tu te dis, on commence à avoir du recul. Ça fait 11 ans là que l'Institut existe depuis en 2030, et en fait. On voit, que, comme tu dis, que les gens passent d'un métier de sens à un autre métier de sens. Sauf que du coup, ils n'ont plus besoin de nous pour passer de l'un à l'autre. Ils ont leur réseau. Et donc, par exemple, quand ils veulent bifurquer, ils vont aller contacter un ancien qui connaît, qui bosse dans ce secteur. Ils vont dire, ben voilà, je m'intéresse de plus en plus à ce sujet. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Ouais, c'est ça, une sorte de bibliothèque humaine un peu, avec des gens qui ont des compétences particulières qu'on peut rencontrer et ils nous racontent un peu leur vie, leur métier. Ouais, ben, de toute façon, nous, on croit beaucoup là-dedans. Et même nous, quand on a des sujets qui nous intéressent, en fait, les apprenants, quand ils ont bossé un an sur leur sujet, ils s'y connaissent plus que nous sur ce sujet précis. Et donc, moi, c'est toujours pas rare que je continue de leur demander leur avis sur certains points, ou des fois, il y a des choses qui me titillent, où je me dis, ah tiens, j'aimerais bien ouvrir ce sujet, mieux en apprendre, mieux connaître. Ben, c'est pas rare que je contacte des anciens apprenants pour voir ça. Et donc, finalement, c'est chouette de se dire que on peut toujours se réinventer. C'est juste quand on le fait une fois, c'est ce que m'avait dit un ancien apprenant, David. Il m'avait dit, en fait, quand on le fait une fois, c'est un peu addictif de se dire, en fait, c'est chouette d'apprendre autre chose, d'aller dans un nouveau secteur, découvrir un nouveau public, etc. Toi, tu sais ce que tu fais Tu peux nous raconter ce que tu fais en 2030 Glorieuse, Isabelle ? 2030 Glorieuse, alors je me suis... 2030 Glorieuse, je me suis un peu éclatée un peu à revenir au manuel, quand même, parce que même si j'aime bien la formation, j'aime bien l'accompagnement, moi j'avais quand même aussi, on parlait de rêve, j'ai quand même un gros rêve sur tout ce qui va être concevoir des objets, concevoir des choses. Et un truc qui est un peu au croisement avec l'Institut, c'est que j'aime aussi les sujets d'émancipation. Le fait de se dire on aide des personnes à croire en leur capacité de faire ou autre. Et du coup, j'ai un peu creusé tout ça et là, je m'intéresse beaucoup à se dire comment est-ce qu'on aide des femmes à reprendre confiance en elles par le faire, par réfléchir à c'est quoi les objets qu'elles ont besoin de concevoir autour d'elles, par se rendre compte qu'en réparant ce qui les entoure, on gagne beaucoup de pouvoir d'agir par ça. Et donc je suis un peu revenue sur des sujets techniques, je te disais, souvent ce qui nous intéresse, ça sort pas de nulle part. Et donc voilà, depuis 2030, je m'éclate un peu plus sur ça. Je me disais qu'effectivement, le fait de laisser une trace, d'occuper ses mains aussi, c'est tout à fait dans le ton des 2030 Glorieuses. Les deux dernières questions que j'ai pour toi, Isabelle, c'est pour les personnes qui nous ont écoutés, qui ont envie de se mettre en mouvement, quels sont les défis qu'on peut leur donner, tu vois. Vous, c'est quoi vos prochaines échéances? Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui se disent, mais en fait, ouais, l'Institut, ça me donne envie. Comment ils font s'ils habitent pas à Lyon? Comment ils font pour en savoir plus s'ils sont pas sûrs? Est-ce que il y a déjà des exemples de personnes qui habitaient dans d'autres villes qui sont venues suivre Nouvelle Voie? Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez des temps où vous allez avoir des rencontres, des temps de questions-réponses, d'expérimentation? Enfin, raconte un peu ce qui attend les gens là. Ouais, nous, un format qu'on aime bien, c'est le webinaire, déjà parce que c'est facile, on peut le faire depuis son canapé, donc c'est pas engageant pour les gens à qui ça fait un peu peur, tout ce dont on est en train de parler. Commencez par ça. Vous êtes sur votre canapé, vous mettez un des webinaires. Là, le prochain webinaire qu'on va faire, on en a un le 16 mars, on en a un le 20 mars. Moi, j'en fais un spécial ingé le 23 mai. Et en fait, c'est des temps où nous, on explique un peu c'est quoi Nouvelle Voie, qu'est-ce qu'on y fait durant cette année. Mais c'est aussi un temps où les gens peuvent poser leurs questions. On essaye d'avoir quand même toujours des apprenants, des anciens qui viennent expliquer en gros eux où ils en sont, qu'est-ce qu'il en est. Les gens adorent toujours. Tu vois, nous, on parle pendant une heure et demie. Et en fait, ils adorent toujours les témoignages. Faudrait presque qu'on arrête de parler et qu'on laisse les témoins, tu vois, ça serait plus efficace. Mais voilà, donc ça, c'est déjà un premier pas qui est chouette. Là aussi, ce qu'on a créé, un espace qui s'appelle l'espace évolution sur le site internet Institut Transition avec un S.org. Et en fait, là-dedans, on a fait un peu un kit. Allez-y, c'est hyper utile. Très bien numérique. Fait, bravo pour ça. Ouais. Et tu parlais de bibliothèque humaine, c'était une des approches qu'on avait quand on l'a créée, c'est de dire, on va montrer différents parcours. C'est des gens que potentiellement vous pouvez contacter pour poser vos questions. L'idée, c'est vraiment de dire comment on aide ce premier pas, que ça soit faire un webinaire, venir lire sur nos espaces, s'inscrire à la newsletter qu'on fait pour vous aider. En gros, nous, on essaye de faire plein de petites pistes qui vous aident à faire le premier pas. Et si vous voulez nous rencontrer en vrai, il y a aussi un événement qu'on fait souvent, donc c'est à Lyon, c'est le 29 avril, et donc ça c'est la journée de transition professionnelle écologique et solidaire. La JTPES. Exactement, c'est pour ça c'est toujours un peu long quand on le dit en entier, mais donc à la JTPES, ce qui est chouette c'est qu'il y a nous, mais il y a aussi plein d'autres acteurs de la reconversion pro, tu y as été plusieurs fois, et donc c'est chouette parce que, comme tu dis, il y a des vrais gens, et on peut commencer à parler de ses rêves. Ça veut dire que vraiment, alors ça, je le garantis, n'importe qui de l'équipe, de l'Institut à qui vous allez parler de vos rêves sera toujours respectueux par rapport à ça, parce que c'est un truc qui, je ne sais pas comment dire, on a un peu fait un contrat de sang en fondant l'Institut, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous et on l'a de suite verbalisé. Et donc voilà l'idée, en tout cas, tu vois, si je devais donner un conseil, parlez-en, quoi. Parlez-en, alors vos rêves, vos aspirations pro, vos doutes. Trouvez quelqu'un à qui en parler, que ce soit un proche que vous savez qui est un peu quelqu'un de sûr, on va dire, de bienveillant. Donc moi je dis souvent, c'est important de trouver des gens bienveillants et ambitieux pour soi. C'est-à-dire des gens qui sont exigeants avec vous, qui veulent le meilleur de vous, mais qui arrivent à être bienveillants. Moi je trouve que si vous avez ça autour de vous, top, allez-y, allez leur parler de vos rêves. Nous, on propose des temps, tu vois, on a des temps qu'on appelle des rendez-vous d'orientation. C'est gratuit, les gens peuvent demander un créneau et on va essayer de mettre quelqu'un en face qui est un peu en lien avec les sujets. Pour que, voilà, et moi, il y a plein de personnes que je vois en rendez-vous qui me disent c'est la première fois que je le verbalise, que je le formalise, que je l'avoue à quelqu'un. Et après, petit à petit, ben, on voit que ça a évolué. Souvent, quand les gens en sont à l'étape de nous partager un rêve, ça va se dérouler. C'est un peu facile à dire de l'extérieur en disant « soyez confiants, ça va se dérouler, etc. » Mais c'est vrai, c'est ce qu'on voit. C'est que, tu vois, là, ça fait 10 ans qu'on est un peu sur les sujets. On les voit maintenant, les gens qui, au début, étaient au début de la pente en se disant bah, « je sens là qu'il y a un truc qui me titille, ça va glisser, etc. » Et en fait, ben, maintenant, on voit qu'ils ont bougé, ils ont changé de situation. Et ça, je trouve ça très réconfortant. Quand on est dans le doute, quand on se dit mais où est-ce que ça va mener, j'en sais rien, etc. Ça amène à des choses. Je ne dis pas que le chemin est tout droit, clair, avec des flèches. Mais les choses avancent, les choses bougent. Et on ne connaît personne qui a fait un retour en arrière ou qui est revenu à la case départ. Ça n'existe pas. Ils peuvent faire des compromis, ça a pu les amener à des endroits différents. Il n'y a pas d'apprenants qui travaillent finalement prévu, chez Total ou non, ou personne n'est retourné. Pour aider retourné les gens, ICE à traquer les migrants, non, ça va. Voilà, donc tu vois, c'est ça aussi, c'est que en fait, quand on en est à ça vous titille, il y a des choses, il y a un peu un phénomène de cliquer, ça veut dire qu'une fois qu'on a passé une, deux étapes, on ne revient pas en arrière, et c'est même pas tant une histoire de courage, c'est juste que ça nous paraît tellement bizarre de revenir en arrière et qu'il y a des choses qu'on a acceptées à une époque que maintenant ça nous paraît incroyable d'accepter maintenant. Ouais, c'est ça, intolérable même. Et donc faut se faire confiance, hein. Faut se faire confiance qu'il y a un peu un truc inconscient où on cherche le mieux pour soi, quoi. Tu as déjà un peu répondu, mais je te repose quand même cette dernière question, Isabelle. J'aime bien donner la possibilité à l'invité de donner un peu un défi aux personnes qui nous écoutent. Là, moi, si je devais reformuler le défi que tu proposais, c'était d'oser faire un peu son coming out de sens, de l'exposer, de le faire sortir, de le faire exister dans le grand jour, de commencer à l'exprimer et effectivement de pouvoir répéter encore et encore cette notion. Est-ce que tu veux aller dans ce sens-là ou est-ce qu'il y a un autre défi que tu voudrais proposer aux personnes qui nous écoutent pour aller dans le sens d'un métier de sens? Ben, dans le sens, alors je disais un peu le fait de confesser, d'en parler à un proche, et aller aussi vers quelque chose qui vous questionne, sur lequel vous êtes curieux. Ça peut être prendre un café avec quelqu'un que vous connaissez pas, mais dont le métier vous intrigue. Moi, j'avais beaucoup fait ça, j'ai pris beaucoup de café avec des gens que je trouvais intéressants. Et alors, vaut mieux pas prendre de sucre, c'était le conseil de Barack Obama, commencez à prendre des cafés sans sucre parce que sinon vous allez prendre du poids. Mais prenez des cafés avec des gens qui vous paraissent intéressants, et même des fois des personnes vous paraissent inaccessibles, et en fait finalement ça se fait. Oui, les gens sont toujours très très contents de parler d'eux-mêmes. Hein. Ça, c'est vraiment moi aussi quelque chose que j'ai appris quand je me lançais pour le podcast, le livre ou quoi que ce soit. Tu imagines des gens inaccessibles parce que hyper visibles, qui ont bien cheminé. Tu leur dis « j'adore ce que tu fais, raconte-moi comment t'as réussi ». Et là, tout le monde a une demi-heure dans son agenda pour raconter ça, t'as raison. Oui, puis il y a un retour d'ascenseur. Ça veut dire que je connais personne très investi dans la transition qui n'a pas un moment profité de l'aide, du conseil, du retour de quelqu'un d'autre. Donc tout le monde a ce côté moi, des gens ont passé du temps, moi, plein de gens ont passé du temps à m'aider à faire ma transition pro. Et donc il y a ce phénomène de retour d'ascenseur, de se dire allez, moi aussi je donne du temps, parce que on sait que c'est ça qui fait aussi que la transition marchera, c'est que c'est beaucoup de personnes qui s'y mettent, c'est les relations, c'est faire bouger les choses. Je me disais, toi, en venant te voir, je pense que si on a envie de faire changer le monde, mais en le faisant tout seul, Je pense qu'on est juste un gros méchant dans un film d'Avenger ou de Marvel, tu vois. C'est-à-dire que les gros méchants, quand tu les regardes, c'est toujours des gens qui... Ils ont toujours des idées très écolo, hein, du style « Oui, il faut qu'on protège la Terre parce qu'on exploite trop les ressources et des choses comme ça. Donc, du coup, on va détruire la moitié de la Terre, tu vois. » Ce genre de choses. Et en fait, c'est pas tant ça, nous, ce qu'on veut voir. C'est des gens qui se mettent ensemble pour faire bouger, qui font... où il y a du lien, où il y a de la solidarité, et c'est ça qui fait que du coup on a une transition qui se veut plus juste et collective, quoi. Et humaine et vivante. Merci Isabelle. Merci. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. J'espère que cet échange a réussi à vous aider à mieux comprendre la puissance des rêves tout en vous donnant les clés pour passer à l'action sans attendre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et si vous voulez un peu d'aide, vous pouvez rejoindre la communauté 2030 Glorieuse, qui est une véritable galaxie utopiste qui va vous permettre individuellement et collectivement de prendre soin de vos utopies. On a des ateliers qui sont organisés partout en France et aussi en ligne. Toutes les infos sont sur 2030glorieuse.org. Il y a aussi des livres, des méditations et plein d'autres épisodes de ce podcast qui existent depuis de nombreuses saisons maintenant. On ne veut pas seulement que vous écoutiez ce podcast, on veut que vous fassiez grandir cette galaxie utopiste avec nous. Et pour ça, moi, j'ai besoin de votre aide. J'ai vraiment envie cette année que le podcast y redevienne une communauté à la hauteur de nos rêves. Et j'ai deux défis à vous proposer. Le premier défi, c'est que vous releviez le défi de notre invité. Ne laissez pas cette idée s'éteindre en même temps que cet épisode. Tentez son exercice cette semaine et racontez-nous votre expérience sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram. Quelle image ou quel moment vous a fait basculer? Qu'avez-vous ressenti? Pour quel résultat? J'attends avec impatience vos messages et vos partages. Deuxième défi pour vous, devenez des ambassadrices et des ambassadeurs du rêve. Si cet épisode il vous a donné du souffle, alors dites-le moi. Laissez 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute, c'est le geste le plus simple mais aussi le plus puissant pour aider ce podcast à toucher celles et ceux qui pensent encore que demain est foutu. Et bien sûr, partagez cet épisode à une personne à qui vous avez envie de dire « Regarde, on a encore le droit de rêver ». Chaque note, chaque partage, chaque défi relevé est un pas de plus vers les 2030 glorieuses. Merci d'être là, merci de muscler vos rêves et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle dose d'utopie. Salut !